forcemajeure.com, musique de relaxation en ligne. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux et centrez-vous en observant le va-et-vient de votre souffle. Lorsque votre esprit vagabonde, recentrez-le sur la respiration. À présent, voyez votre corps comme un tout. Portez l'attention sur les extrémités de vos doigts, sur chaque cheveu, sur vos orteils, parcourez l'extérieur de votre corps avec votre œil mental. Tournez votre regard en vous-même. Visualisez vos organes internes. Le cœur et les poumons. Les reins et le foie. Le cerveau. Puis imaginez vos veines et le sang qui coule en elles. Pensez à la douleur et à son foyer. Voyez-la comme une couleur et une forme. Mais restez à distance. Ne la laissez pas vous happer. À présent, quittez la zone douloureuse et déplacez votre attention vers d'autres parties du corps. Si vous avez mal à la tête, par exemple, pensez à vos orteils. Sentez comme ils sont mobiles, ils sont libres de toute douleur. parcourez votre corps en détail. Constatez l'absence de douleur. Une fois que vous avez constaté que la majeure partie de votre corps n'est pas dans la souffrance, revenez à la douleur. Maintenant, visualisez un glaçon. À chaque expiration, enveloppez-le d'un souffle de chaleur et d'énergie curative et commencez à le faire fondre. Visualisez-le diminuer doucement sous l'effet de la chaleur et de votre propre énergie curative. Et laissez le reste de votre corps profiter de son état de non-douleur. Finir, laissez une lumière radiante et synonyme de vie joindre tous les centres d'énergie sur lesquels vous vous êtes concentré pendant cet exercice. Et créez une ligne droite de vos pieds à la tête. À présent, je vais compter de 1 jusqu'à 3. À 3, vous ouvrirez les yeux. Vous serez parfaitement réveillé, en pleine forme et en parfaite santé. Forcemajeure.com, musique de relaxation en ligne.